طيب بسم الله الرحمن الرحيم دونك ان شاء الله on va rentrer dans ce livre عظيم النفع الذي يعتبر بابا في فهم الاحكام بابا واسعا c'est un livre qui regroupe et qui regroupe énormément de bases qui vont nous permettre de comprendre les bases du fiqh. Ce kitab que a écrit le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, الذي سماه الأصول من علمي الأصول نعم الأصول من علمي الأصول donc inshallah on rentre directement dans لا بس بأخذ المقدمة قال المؤلف مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوب إليه يا عثمان ونتوب إليه هذه كيف ما حكمها هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابتة نعم c'est les auteurs parmi les salafs qui ont rajouté cette parole ونتوب إليه mais sinon dans comment ça s'appelle cette traduction comment elle s'appelle tout ça ايوه خطبه الحاجه احسنت يا جعفر حفظك الله نعم خطبه الحاجه طيب فخطبه الحاجه جاءت في بعض الاحاديث لكن ما جاءت بهذه الالفاظ يعني بهذا اللفظ ونتوب اليه جاءت بالحمد لله وكذلك نستعينه ونستغفره لكن ونتوب إليه ما جاءت به كما تذكرنا في درس سابق طيب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal. Ashhadu an la ilaha illallah. Taïb. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Hada sahih, ya Sofiane. En droit d'être adoré. En droit d'être adoré. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration, si c'est vrai. Digne d'adoration. Mais si je dis, il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. C'est ça, c'est vrai? Les mouchriquins, كانوا وكان لهم آلياتهم. نعم, أحسنت يا سفيان. أحسنت. Ça n'interdit pas d'adorer autre qu'Allah. L'adoration. نعم. وبل, le fait que tu dises, et ça c'est une compréhension خاطئ. Et beaucoup de gens, par exemple, Jama'at al-Tabligh, si tu leur demandes c'est quoi le sens de la ilaha illallah, ils vont te dire nul divinité en dehors d'Allah. Voilà, ghalat. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des divinités en dehors d'Allah, azawajal. Il y a des divinités qui ont été prises comme telles en dehors d'Allah, azawajal. Donc le fait de réfuter cela, c'est une erreur. C'est une erreur. Non. Mais en gros, le sens de la shahada, c'est qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Naam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما طيب صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه As-salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, lorsqu'on dit qu'Allah est pris sur le prophète alayhi salat wa sallam, ça signifie quel sens? Ismail. Allah alam ahsant. C'est quoi le sens quand on dit Allah yusalli ala al-Nabi? Il l'évoque. C'est-à-dire il l'évoque auprès des meilleurs des anges. Non. Il évoque et il fait son éloge auprès des meilleurs des anges. C'est ça qu'on appelle la salat d'Allah sur son prophète. Et est-ce qu'il y a un dalil pour cela? Est-ce qu'il y a un dalil? Un dalil? Comme quoi la prière d'Allah, c'est l'éloge. C'est l'éloge d'Allah fait devant les nobles anges. Mais c'est quoi le dalil? Que la salat d'Allah Azza wa Jal pour son prophète, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est quoi comment nous on va, d'où on a appris que cette prière c'est l'éloge d'Allah sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Nahnu ma'shar ahl sunnah. أليس كذلك؟ فلا بد أن نأخذ أشياء بدليلها. أو من السلام. ما معك يا سفيان؟ ما فيش؟ موسى؟ الله أعلم. طيب ولكن أنتم كلكم متفقون على أن الصلاة ثناء الله على عبده. Vous êtes tous d'accord que la prière d'Allah sur le prophète, والسلام, c'est son éloge. Hein? Personne dit que c'est une prière, Allah est prié. Non. Tamam? Famin aina lakum hada. Je ne sais pas si c'est comme nous, mais le prophète ne dit pas celui qui prie sur moi, Allah prie deux fois. Il prie deux fois sur lui, non? Le prophète parle du prophète, dit celui qui prie sur le prophète. Oui, mais là, tu veux en venir où, là? Donc le prophète il dit qu'Allah il prie en faisant ce ménage avec les anges. Ah, tu veux dire que pour nous, ouais, mais pour Allah Azza wa Jal. Comme t'as dit, ça c'est pour nous. Non mais qu'Allah fasse l'éloge pour nous. Et après le prophète il dit c'est bon. Je sais pas si t'as compris. Ouais, j'ai compris. Jamil. Lakin laysa hadha. Qad marra, hein? C'est pas comme pour les Pour les trois tawhid, là. Haqiqatan ya ikhwa. Ma a'lamu dalilan. Je connais pas de dalil. Haqiqatan. Innama hiya qawlun min ahad as-salaf wa huwa Abu al-Aliya. Abu al-Aliya, un imam parmi les a'immah. أئمة السلف فذكر البخاري في صحيحه معلقا قول أبو عالية أن صلاة الله على محمد ثناؤه في ملأ الأعلى. Donc ça c'est un athar qui est dans صحيح البخاري. C'est une parole d'un salaf que l'imam al-Bukhari a évoqué dans son صحيح. تمام؟ وكما قلت لكم نحن أهل السنة إذا ما نجد كلاما يعني دليلا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فننظر في من هو بعدهم. Si on ne trouve pas de preuves dans le Coran ou dans la Sunna ou dans les paroles des compagnons, alors on observe les paroles des plus prédécesseurs. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des époques c'est mon époque, ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit et ensuite celle qui suit. وسميت هذه القرون بالقرون ايش المفضلة فالخير فيها عميم والبركة فيها أبرك من غيرها Donc la baraka, la bénédiction qu'il y a dans ces, qu'il y a eu dans ces époques-là, elle est plus grande et plus élevée que celle que vous allez trouver dans d'autres époques. Na'am. Ala kulli hal, yani salatullah ala abdihi huwa thana'uhu ala al-mala'i thana'uhu ala abdihi fi mala'i al-a'la. طيب صلى الله عليه وعلى اهله وعلى اله واصحابه. كلمة اله lorsque الله سبحانه lorsque on dit que Allah يعني صلى الله عليه وعلى اله اله c'est sa famille, que Allah fasse également l'éloge de sa famille, la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. طيب لكن si on dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et on ne rajoute pas, comme il a dit là, wa ashabihi wa man tabi'ahum, si juste on dit ahlihi, alihi, fal al huna, al murad bihi, man, al murad bihi, kullu man ittaba'a. Si on évoque juste alihi, sans évoquer les compagnons et ceux qui les ont suivis. Ça nous inclut dedans. Ça inclut toute personne qui suit le prophète, alayhi salatu wa salam. Tamam ? Mais si après, on colle à alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum, fal muradu bi al-al huna, yani aqaribe, les proches du prophète, alayhi salam, faqat. Tamam ? C'est compris ça? Est-ce que la différence entre le kalimato ah et al? Ça va. Il y a عبارتان بمعنى واحد. Al-al هو الأهل. نعم. Ahlihi, c'est ça? Ahlihi, ou tu peux dire alihi. Alihi. Tamam? Alihi. طيب. قال أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعهد العلمية وسميناها أصول الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل علمنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. Donc ça, c'est une muqaddima yassira min Cheikh Al-Uthaymeen qabla an yadkhul fi hadha al-kitab. Donc c'est une petite introduction de Cheikh Al-Uthaymeen avant qu'il rentre dans ce livre-là. Et ce livre-là, il va te permettre, si tu l'étudies bien comme il faut, de pouvoir comprendre les règles religieuses. Et ceci va te simplifier même la compréhension du dalil dans une mas'ala. Naam. Donc ce genre de cours sont d'une grande importance. Et ils disent qu'il n'y a pas un savant qui n'est devenu savant sans qu'il n'ait maîtrisé cette matière. C'est une matière super importante. Al-ilm, ilm al-usul. Wabihi naktafi bi hadha al-qadr wa inshallah ghadan nadkhul fi simam al-mawdu' hatta la nukthir alaykum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.